Bismillahirrahmanirrahim. İzeş-şemsu kuvirat. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le soleil sera obscurci. وَإِذَنُّجُومُ كَدَرَتْ. Que les étoiles seront ternies. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Et les montagnes mises en marche. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Et les chamelles à terme négligées. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et les bêtes farouches rassemblées. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Et les mers allumées. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Et les âmes accouplées. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Pour quel péché elle a été tuée. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Et quand les feuilles seront déployées. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Et le ciel écorché. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Et la fournaise attisée. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Et le paradis rapproché. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. Non, je jure par les planètes qui gravitent. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. Qui courent et disparaissent. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. Par la nuit quand elle survient. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Et par l'aube quand elle exhale son souffle. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. Doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. Obéi, là-haut et digne de confiance. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. Votre compagnon, Mohammed, n'est nullement fou. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Il l'a effectivement vu, Gabriel, au clair horizon. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Où allez-vous donc ? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers.